Au fil de l'eau, avec la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Bonjour et bienvenue sur Fadjet pour votre chronique mensuelle Au fil de l'eau, en compagnie de François Rouillon. Bonjour François. Salut, bonjour à tous. François qui est chargé de développement pour la Fédération de Meurthe-et-Moselle pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Et ce mois-ci, donc, on va parler d'un poisson. On a déjà parlé de la perche, on a parlé du brochet, on n'avait pas encore parlé du sandre. Oui, on va parler du sandre. Alors, comme tu le dis, tu parlais de perche et de brochet. Le sandre, c'est aussi un poisson carnassier, donc c'est un poisson qui mange des autres poissons. Et c'est un poisson qui est assez recherché par les pêcheurs parce qu'il est... Alors, il est pas facile à attraper. C'est un poisson qui est assez bon. Hein. On a tous plus ou moins mangé du sandre ou vu du sandre dans les menus de restaurants. Alors, c'est du sandre qui vient des filières aquacoles, hein, souvent. Hein. C'est pas du sandre sauvage, c'est du sandre d'élevage, mais il n'en est pas moins bon. Donc, c'est un poisson qui est assez bien présent chez nous en Meurthe-et-Moselle. Donc on est plutôt entre le brochet et la perche au niveau look. À quoi ça ressemble plus précisément? Je crois que ça ressemble un peu à une perche. Alors oui, c'est un cousin de la perche, il fait partie de la famille des persidés. Il ressemble un petit peu à la perche, alors il a un corps un petit peu plus allongé. Il a aussi ses zébrures noires sur le corps et puis cette nageoire épineuse, la nageoire dorsale est épineuse, donc hérissée de piquant. Alors pas orange, c'est un sandre, c'est plutôt vert-gris. Voilà, entre le vert et le gris, c'est un assez beau poisson. Et puis il a la particularité d'avoir une bouche assez large avec deux canines supérieures qu'on voit très bien. Hein. Vous regarderez les photos de cendre sur Internet ou si vous en prenez un grâce à nos conseils, ça sera une belle récompense pour nous, n'est-ce pas? Au niveau taille, il faut s'attendre à quoi? Ça peut faire jusqu'à, les plus gros cendres font un mètre, plus d'un mètre, c'est vraiment les plus gros poissons. Mmh. Généralement, ça fait autour entre 40 cm, ce qu'on prend, et puis 60-70, voilà. C'est déjà pas mal. Avec toutes les tailles, ouais, c'est déjà pas mal. On en profite pour dire qu'il a une taille légale de capture, c'est-à-dire que tous les poissons que vous pouvez prendre en deçà, donc en dessous de 50 cm, vous devez les remettre à l'eau vivants. Voilà, la taille légale de capture du sandre, c'est 50 cm. Il y a aussi des dates à respecter, hein, pour, comme pour oui, le oui, brochet. Alors, tout à fait, ouais, Yves, c'est au même titre que le brochet, hein, par exemple. Pour les laisser se reproduire un petit peu tranquillement, on ouvre sa pêche le dernier samedi du mois de mai. Quant à son comportement au sandre, à quoi il faut s'attendre? C'est un poisson carnassier, donc du coup, il mange des autres poissons. C'est un poisson qui est dit lucifuge, c'est-à-dire qu'il aime lucifuge. Pas trop... Alors, lucifuge, il aime pas trop la lumière. C'est plutôt un poisson nocturne. On n'a pas le droit de le pêcher de nuit, parce que la pêche de nuit, on le sait, hein, on le rappelle quand même, est interdite, sauf sur certains parcours, uniquement pour la carpe. Mm-hmm. Mais par contre, eh ben, il faut idéalement, pour pêcher le sandre, un petit conseil, c'est se lever tôt le matin ou pousser jusqu'à l'heure limite légale de pêche. Hein. Donc, on rappelle, la pêche, c'est ouvert une demi-heure avant le lever du soleil, jusqu'à une demi-heure après son coucher. Ces horaires-là, en fait, bah, changent en fonction des saisons, évidemment, et sont consultables sur notre petit guide de la pêche en Meurthe-et-Moselle. Là, vous ouvrez les pages centrales et vous avez tous les horaires par jour légaux de pêche. Donc, si vous voulez pêcher le sandre, voilà, on peut aller jusqu'au bout et on s'arrête à la bonne heure. Et il y a des endroits où on le retrouve plus facilement. Alors, il est présent un petit peu partout en Meurthe-et-Moselle, sur Nancy, là, dans la Meurthe, dans le canal de la Marne-Aurin. On rappelle qu'il y a un parcours de graciation sur le canal de la Marne-Aurin entre le pont qui est près du Kinépolis là, et puis le pont-levis de Malzéville. Donc sur cette section-là, parcours de graciation, c'est no-kill. On remet tous les poissons à l'eau, quelle que soit leur taille, vivants évidemment, et quelle que soit leur espèce. On a un petit peu partout, dans les étangs aussi, dans les plans d'eau. Il y a des bons coins dans la Moselle, hein, Liverdun, Gondreville, autour de Toul, là, c'est pas mal, Maron, etc. Même quand on remonte vers Pont-à-Mousson. Voilà, il faut chercher un petit peu les cassures, les piles de ponts, il aime bien aussi, sous les ponts, parce que vu que c'est un poisson qui n'aime pas trop la lumière, bah, dès qu'il peut être protégé un petit peu pour chasser et puis pour se protéger lui-même aussi des autres prédateurs, le silure peut-être notamment, il aime bien se planquer un petit peu, donc il faut chercher un peu les endroits ombragés ou protégés. Et pour sa pêche, est-ce que là aussi, c'est à peu près la même technique que pour le brochet ou... Ouais, tout à fait. Bah, vu que c'est un poisson carnassier, on va essayer de l'attraper avec des imitations de poissons. Alors, artificielles ou naturelles, hein, on peut pêcher au poisson mort. Le sandre, c'est un poisson qui se nourrit volontiers de cadavres de poissons, hein, de petits poissons. Donc, on peut opposer au fond. C'est un poisson de fond, hein, aussi, on le rappelle. Donc, on pêche principalement au fond. Pêche au leurre, leurre artificiel, les leurres souples marchent bien avec une tête plombée. On vient gratter un petit peu le fond, on pêche un petit peu lentement, on fait des pauses. Voilà, le fil toujours tendu. Et puis, c'est un poisson dont la touche est assez subtile. Des fois, c'est juste un petit déplacement du fil là, et il faut ferrer, c'est assez subtil. et ou alors justement des appâts naturels, donc pêche au vif ou pêche au mort, poisson mort posé au fond ou poisson mort manié, hein, les techniques du poisson mort manié avec une petite monture, et puis on anime un poisson, un vrai poisson hein, qui est mort, qu'on monte sur un montage spécifique et qu'on anime pour lui donner l'illusion de que c'est un poisson un peu malade qui traîne sur le fond, quoi. Et pour le pêcheur, lorsque la touche a lieu, il reconnaît assez facilement que ça peut être soit un brochet, soit un autre carnassier, un cendre. Oui et non. Ouais. Y a toujours des exceptions. Effectivement, je le disais, la touche du cendre est peut-être un petit peu plus subtile. Il faut voir aussi leur méthode de chasse. Hein. Le brochet, c'est plutôt un poisson qui est à l'affût et qui est extrêmement rapide. C'est un sprinter, c'est-à-dire qu'il fond vraiment sur sa proie. Et du coup, à la touche, on prend vraiment une cartouche, quoi. Hein. Ouais. Le cendre, c'est un petit peu plus subtil, ça suit comme ça et hop, ça, voilà. Alors on peut prendre des belles cartouches hein, de cendre aussi, hein, parce que ça reste des poissons qui peuvent être assez gros. De là, reconnaître vraiment la touche, ça peut arriver, les spécialistes peuvent le faire. Après, c'est aussi la magie de la pêche, justement, d'avoir une touche et de pas trop savoir encore ce que c'est jusqu'à voir le poisson. Est-ce que c'est un brochet, une perche, un cendre ? Eh ben voilà, le cendre, hein, on va le laisser tranquille cet hiver. Alors, on va le laisser tranquille à partir de la fermeture. Il a la même fermeture que la pêche du brochet, donc on peut le pêcher là jusque fin janvier. Après, on le laisse tranquille plutôt au printemps. Voilà, sa période de reproduction est un tout petit peu décalée par rapport au brochet. C'est pour ça que les périodes d'ouverture sont décalées par rapport au cendre et au brochet. Mais pour simplifier, on le ferme sa pêche en même temps que le brochet, donc c'est le dernier dimanche de janvier. C'est une bonne période, l'automne et le début de l'hiver, là, pour pêcher les cendres. Un dernier petit conseil. S'il pleut et que l'eau elle monte un petit peu dans les rivières, que c'est un peu la crue, là ils aiment bien, parce que d'une ça rapporte de la bouffe un peu comme tous les poissons, ça déclenche l'activité alimentaire, et puis bah voilà, l'eau est plus turbide, donc il y a moins de lumière, donc vu qu'il n'aime pas trop la lumière, il sort plus volontiers, un peu plus la journée, donc dès que l'eau monte, surveillez les niveaux et allez au cendre. Voilà, pour le cendre, on mettra bien sûr une photo hein, sur le site oui. De la radio ou sinon sur la page Facebook de la Fédé. Tout à fait. On parle d'actualité maintenant et quand on parlait de fermeture, on va revenir sur ces fermetures parce qu'il y a deux dates à retenir pour fin octobre. Oui, fin octobre, c'est la fermeture de la pêche du Corégone sur le lac de Pierre-Percé. Donc c'est le dimanche 30 et le lendemain, le lundi 31, c'est la fermeture de la pêche de la carpe de nuit sur les parcours définis par arrêté préfectoral. Donc on laisse aussi ces deux poissons tranquilles. Alors pour le corégone, complètement tranquille, on ne pêche plus. Et pour la carpe, on peut continuer à la pêcher partout, mais deux jours. Deux jours, voilà. Il fera un peu plus chaud. Deux jours également pour les pêcheurs. C'est ça. Une date à retenir un peu plus proche, ce sera le 16 octobre avec un concours de pêche urbaine. Oui, c'est un dimanche, c'est un concours de pêche urbaine, donc de street fishing, pêche au leurre, par équipe, organisé par la Gaule Dombaloise, donc l'association de pêche agréée qui gère les parcours de pêche de Dombasle jusqu'à l'aval de Nancy, là. Et c'est sur Nancy Centre, sur le canal de la Marne-Aurin. Il y aura quasiment une centaine de pêcheurs qui vont s'affronter de manière tout à fait conviviale sur ce concours-là, qui est un joli succès. Bravo à la Gaule Dombaloise pour l'organisation de ce concours-là. Et puis si vous voulez voir des pêcheurs qui pêchent au leurre plutôt bien et qui vont sortir quelques poissons, perches et cendres justement, vous pouvez aller faire un tour sur Nancy, sur le canal, dimanche 16 octobre. Au port Saint-Georges. C'est le matin. À partir de 7h30. Oui, 7h30, jusqu'à midi à peu près. Voilà. Merci beaucoup, François. Merci. Pour cette présentation. Et on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. Pour tout à fait. À bientôt. Avec plaisir. À bientôt. Au fil de l'eau, avec la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique.